شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه ويرزقنا فيه إخلاص والاتباع. لونج الله سبحانه وتعالى de nous avoir permis cette rencontre. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir cette rencontre et de nous donner la sincérité et le suivi. وبادي أديبة إن نشكر من كان سببا في هذا اللقاء إدارة المسجد والقائمين على هذا المسجد في مدينة تولان. Et avant tout nous remercions aussi, et puis nous remercions nos frères qui sont à la tête de cette mosquée, la mosquée de Tulin, et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tout ceci soit dans l'œuvre de tout un chacun de nous. Fa ikhwat al-islam, hadha al-liqa' alladhi yalihi ba'da salat al-isha' yakun hawla Da'ish wal-qa'ida wa jabhat an-nusra. وهذا الموضوع ما كان لا ليرضي الحزبيين ولا التكفيريين ولا حتى الغربيين. ان الله سبحانه وتعالى سيكونتر اوتور دو ليكليرسيسمون سور داعش القاعده جبهه النصره ابل لكم تي فو سي لا ميم موني كي هي دو فاس ها مي لي فوندمون سون ايدنتيك. Et ce genre de sujet n'est pas pour plaire, que ce soit les tkfiri, que ce soit les sorori, les qutbi, n'est pas non plus pour plaire, même aux occidentaux et aux médias occidentaux. فالصحافه والمختصون بما يسمونه هم بالاسلاميين قالوا وكتبوا عبر تغريداتهم السلفيين غير الحركيين القريبون من السعوديه ينظمون لقاءات ضد داعش للتبرؤ من راديكاليتهم. Les médias et certains spécialistes de ce qu'ils eux appellent les islamistes ont écrit, ont envoyé à travers leurs tweets les salafis quiétistes proches d'Arabie Saoudite contre l'État islamique font des rencontres pour se désavouer de leur pour se déradicaliser. Depuis quand les salafis étaient des radicaux d'abord? Depuis quand? Fa amma tkfiriyun fa haddit wala haraj tkfiriyun wal ikhwan wal qutbiyun fa haula murji'a haula amala haula haula wa hada la yahum. لا بد من الابتلاء، لا بد من الصبر على الأذى، ونسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم أهلا لحمل راية هذا المنهج السلفي الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، والذي نطلبه في كل ركعة من صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم. كنت تكفيري وقطبي وفخير مسلمون etc. parle sans gêne sur les insultes, des calomnies, ceux-là ce sont des morgés, ceux-là ce sont des mécréants. Khlas. Tout ceci n'a aucune importance. Tout ceci n'a aucune importance. Parce qu'on est dans ce bas monde pour être éprouvé par le bien et par le mal. Et notre devoir, c'est de patienter et d'endurer devant les épreuves. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous tous des dignes pour porter l'étendard de la voie salafie. La voie que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dans notre, chacune de notre prière. Guide-nous sur la voie droite. Fa al-fitanu fi asrina azumat al-islam wa katurat. خاصة بكثرة من وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاة على أبواب جهنم. Les séditions, les perturbations, un déluge de séditions et de fitanes, tombe sur la communauté actuellement et surtout par ce que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a décrit étant les prêcheurs sur les portes de l'enfer. فهؤلاء يرسلون شباب المسلمين إلى الهلاك وإلى الدمار وإلى الموت في بلاد الفتن والدمار بالعراق وسوريا وهم في رغد العيش آمنون منهم في من هو يعيش في إنجلترا في أمان فهنا الله سبحانه وتعالى سيبخشار نوزا ذكر المساج عليه الصلاة والسلام ونفوى نتخو جونس que ce soit les filles, les garçons, dans les pays de perturbation, les pays de guerre et d'anarchie, comme l'Irak, comme la Syrie, pour que ces jeunes filles, ces jeunes garçons, ils deviennent de la chair à canon, tout simplement. Alors que ces grands théoriciens sont dans leur confort tranquille, que ce soit dans leur pays d'origine ou certains même à Londres, tranquille, bien dans leur babouche, confortablement installés devant, sur leur canapé, et vas-y, que je t'envoie cette communauté à sa perte. Faber Bika Asaluk, Mata Samirta Mun Dira no Ka Idan Mina Ula, Kharaja wa Fajara Nafsahu Binfsi. Aukana fi Sahatil Qital. Je te demande par Allah, depuis l'Afghanistan jusqu'à nos jours, qui est ce théoricien et ce commandant de cette tendance qui est sorti, qui était sur le terrain? Qui parmi eux est monté avec une bombe et s'est explosé dans un bus? Aucun parmi eux. Et par contre, ceci est bon pour les ignorants. Ceci est bon pour les insensés de la communauté. Ceci est bon à envoyer ces jeunes qui aiment la religion, qui n'ont pas d'humanité, qui ne savent pas faire la part du bien. Ils ne font pas la différence entre le bien et le mal. Hada, on joue d'eux et on les envoie. On les envoie pour en faire de la chair à canon, leur promettant, soi-disant, le martyr. Quel martyr? Abdullah Azzam, une des grandes têtes, il est mort maintenant. À l'époque du combat, pourtant légiféré, les Afghans contre les Russes, il sillonnait l'Arabie et les pays du Golfe et il envoyait la jeunesse musulmane vers là-bas. Et pourtant, il ne les envoyait pas pour le combat. Il les envoyait pour qu'on leur fasse un lavage de cerveau. Beaucoup parmi eux ne sont pas arrivés sur le terrain de combat. Beaucoup se sont restés dans les camps de Peshawar et d'autres, tout simplement pour le lavage de cerveau, pour les renvoyer après, que ce soit au Maghreb, que ce soit vers les pays du Golfe, pour qu'ils sèment l'anarchie et la zizanie et qu'ils propagent l'esprit du takfir dans leur pays. Et ses enfants à lui, à ce moment-là bien précis, ils étudiaient tranquillement dans l'université d'Islamabad. C'est bon pour les enfants des autres, non pas pour nos enfants. Là, Abedan. Les enfants des autres, on les envoie à la perte. On les envoie à la mort. Mais nos enfants, non, Abedan, ils ne les envoient pas. Salman, le deuxième crise du Golfe avec l'Irak. Ses enfants sont partis. Et il a demandé aux autorités saoudiennes et aux services secrets saoudiens de les rattraper. Pourtant, il critique le gouvernement saoudien, il critique l'État saoudien. Là, pourquoi tu rattrapes tes enfants? Pourquoi tu l'envoies rattraper tes enfants? Là, c'est bon d'envoyer les enfants des autres. Il les tient, non? Pour que tu saches que derrière tout ça, il y a ce qu'il y a, l'islam. Fa'oula yakhda'ouna al-juhad. ويخدعون هؤلاء الشباب وهؤلاء الشابات الذين يحبون الدين وعندهم حماس للدين لكن مع الأسف الكريم الكبير أنهم يجهلون وليس عندهم فارق يفرقون به بين الحق والباطل. سلا فخيرنا الله سبحانه وتعالى تخيس سيت جونس مسلمان ها et trahir ces jeunes qui ont de l'amour pour la religion, qui sont enthousiastes pour la religion, qui sont jaloux, qui sont, hein, mais ils n'ont pas de discernement, ils n'ont pas de bagage scientifique pour discerner entre le vrai et le faux. Et ceux-là, ils profitent de cette situation pour les envoyer dans la gueule du loup. Et من أسباب وقوع هذه الأمور ترجمة الكتب الفكرية و غلو بعض الشباب حتى الذين يتقنون العربية في القراءة في هذه الكتب الفكرية كما يقال الفكرية العصرية التي تنضخ بماذا؟ بتكفير المجتمعات الإسلامية. فعندما تقرأ في هذه الكتب سواء معالم في الطريق أو جاهلية القرن العشرين أو صناعة الحياة أو من هذه الكتب لا يأتي في فكرك أنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض، ما فيه مسلم على وجه الأرض. نتيجة هذه القراءة أن يصل الإنسان أنه لا مسلم على وجه الأرض وأن الجاهلية انتشرت أعوذ بالله. Et parmi les choses qui facilitent le fait que le jeune tombe, etc., c'est même ceux qui ont l'arabe exagèrent. Hein, ils sont allés à l'extrême dans le fait de lire les livres comme Ma'alim fi Tariq, Jalon sur la route, Sina'at al-Hayat, Jahiliya du XXe siècle de Mohamed Qutb, et ainsi de suite. Et quand tu rentres dans ce genre de livres, l'idée qui en découle, l'image que tu as, c'est qu'il n'y a plus de musulmans sur terre. Que la période pré-islamique est revenue sur terre. Khalas, il n'y a plus de musulmans. Hein? C'est ce qui en découle. Hein? Et ce qui reste dans l'esprit de la personne. Dans les années 90, on a eu entre les mains, par la traduction de celle qui se dit l'organisation, hein, des l'union des organisations des institutions islamiques de France. Hein? Entre les mains, un livre qu'ils ont édité eux-mêmes avec leur tampon. Jalons sur la route. Alors qu'auparavant, nos frères, auparavant, certains de nos frères sont passés chez eux, à la Courneuve, et dans les caves, il y avait les livres de Cheikh Mohamed Lahab tassés. Il dit pourquoi vous les distribuez là, ces livres ne nous conviennent pas. Jalons sur la route pour détruire la communauté et ancrer en elle Tkfir et la voix du Khawar, et c'est bon. Et le livre du monothéisme qui appelle au fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et se mettre sur l'arrêt, non, ce n'est pas bon pour nous. Il ne convient pas à notre environnement européen. Il faut faire très attention à l'islam. Hadi al-Kutub. Min hadi al-Kutub. Ma'alim fi al-Tariq, al-Dhilal, wa ghayruha. Wa الحذر كذلك من الكتب التي تقتل النقول من هذه الكتب والحذر من كتب ممن ها هذه أسماؤهم سيد قطب محمد قطب محمد سرور زي العابدين أن بخطنوا هذا محمد الراشد المقدسي أبي محمد المقدسي ها اي دوتر فايفو il est obligatoire de faire très attention à ce genre de livres et à leurs écrivains. Il y a tous les livres qui font référence à ce genre de livres. Tous les livres qui font référence à Dhilal, aux Jalons sur la route et aux livres de Sayyid Qutb, de Mohamed Qutb, de Zil Abidine Mohamed Soror de Londres et de Mohamed Rachid, c'est un prétendant. Mais ces livres, c'est une catastrophe dans le takfir des sociétés musulmanes et dans le lavage du cerveau de la jeunesse musulmane. Faire très attention aux livres d'Abi Mohamed al-Maqdisi et tous leurs similaires. ولا بد أن نتيقن أن من الأمور المهمة التي يجب أن نتيقنها أن خطرنا الخطر الذي يداهمنا هو من الداخل، هو من البدع قبل كل شيء. أصل الشرور والابتلاءات والمصائب التي تصيبنا الآن أصلها البدع. لا بد أن نتيقن هذا، وإلا أخطأنا الطريق. Il faut avoir une certitude irréfutable que le mal qui nous atteint, qui nous détruit, il est de l'intérieur. C'est l'innovation. Avant l'ennemi de l'extérieur. Et si on se trompe de cible, on se trompera de remède. Notre grand mal, il est de l'intérieur, il est de l'innovation. Le shaitan, il est là. Soit il voit que les personnes n'aiment pas la religion, il les encourage dans la débauche. Il leur embellit la débauche. Et il voit que les gens aiment la religion, ben il les envoie à innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre mauvais leur religion et leur pratique. مع أن الشريعة جاءت كاملة لا تقبل ولا الزيادة ولا النقصان. Alors que cette religion elle est complète, il n'accepte ni le rajout ni la diminution. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Les versets sont clairs. Dans la traduction approximative de ceci que vous connaissez tous. Et les Juifs, ils disent, quand le Juif est venu voir Omar ibn al-Khattab, il lui a dit, c'est sur nous que ce verset est descendu. Le jour où il était descendu serait une fête pour nous. Le verset, il dit tout simplement, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait. Et je vous ai créé l'islam comme religion. فَلَا مَكَانَةَ لِلْبِدْعَةِ فِي دِينِ اللَّهِ وَالْبِدْعَةُ الشَّرُّ الْمُسْتَطِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. Il n'y a pas de place à l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la grande gangrène et le cancer de cette communauté, c'est l'innovation à l'islam. Et l'imam Malik dit, « Ma lam yakun dinan, dalik al-yawm layak yakun al-yawm dinan. » Et l'imam Malik, il dit, « Ce qui n'a pas été une religion hier, ne sera pas une religion aujourd'hui. » Depuis quand est-ce que il parle de la période du prophète alayhi salatu wasalam, de ses nobles compagnons? Est-ce qu'à l'époque Mohammed alayhi salatu wasalam, les manifestations, les assassinats politiques, les sittings, étaient une religion? Abadan. Abadan. Donc il ne peut pas être une religion maintenant. C'est impossible. Et l'innovateur à l'islam, il se met dans la position de concurrencer Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation parce qu'il vient rajouter dans la religion ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisé, il n'a pas légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le fait de suivre sa législation. L'innovateur, lui, il sort de la législation d'Allah et il ramène une autre voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas autorisée, il n'a pas légiféré. Il est obligatoire que ceci rentre parce que quand tu entends les gens parler, même nos frères salafis, Daesh, c'est la fabrication des services secrets allemands, là c'est la fabrication des services secrets syriens, là c'est Yahri, où tu es? C'est quoi cette devinette politicienne dans laquelle tu tombes? À quoi tu joues? C'est quoi ces analyses à la noise que tu fais? Daesh, tu sais où le khawarij. Khlas. Daesh, tu sais où le bid'a. Pourquoi tu vas baigner dans la piscine impure, le bain impur des groupes politiques musulmans qui vivent avec ces devinettes politiciennes? Abadan akhal islam. Abadan. D'où l'importance de prendre en considération que le danger, l'innovation, c'est le plus grand danger. Vu maintenant Les moyens de communication qui sont faciles, même le commun, qui ne sait ni lire ni écrire, peut utiliser. Boulhsa, allez, tire, tire, il sait. Hein? Her, il appuie avec son... Et il a des informations. Et les informations, lui aussi, il les envoie à Zama. Des informations concernant certains actes d'adoration, certains soucis, sans vérifier ce que ceci, il est dans la religion d'Allah ou il ne l'est pas. Hein? Rajoutez à ça que les innovateurs, ils aiment bien ce genre de situation. Barakallahu fik que tu propages. Khlas, tu fais le travail. Hein? Ceci, le danger est énorme. Plus que ces innovateurs, ils profitent de l'insouciance de beaucoup, de nos frères et de nos sœurs, hein? Et de l'insouciance de beaucoup de prêcheurs qui n'avertissent pas et qui ne veulent pas être catalogués parmi les avertisseurs, hein? Qui ne veulent pas être traités d'être durs, oula, hein? D'être dans la médisance ou quoi. Où est la médisance dans le fait d'avertir contre les tendances déviantes? Où il est? Et ce nombre de jeunes, garçons et de jeunes filles qui tombent dans les girons de Daesh et qui partent d'Europe, pas loin de vous, Valence, tu prends tous les coins autour de vous, Grenoble, prends Lyon, prends... Hein? C'est quoi? C'est à cause de quoi? Ceux-là, ils étaient avertis? Abadan. Abadan. Hein? Et souvent, quand tu vois certains jeunes convertis qui sont partis comme proie, souvent tu trouves qu'ils ont été convertis par des takfiris. Et je connais certains qui sont là-bas maintenant et leur... Ceux qui ont été en contact avec eux, ce sont des jeunes takfiris. Eux, ils sont ici. Et là, envoyez-lui le pauvre là-bas. Et pourquoi vous vous restez là? Vous faites quoi? Hein? C'est le jihad, il est là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas allé, vous? Pourquoi le pauvre, vous l'envoyez comme ça? Hein? Et donc, il est obligatoire. L'avertissement fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les grandes innovations auxquelles maintenant on fait une grande propagande, c'est le prétendu jihad en Syrie ou en Irak. Il a prétendu khilafa en Syrie ou en Irak. Hein? Et ton étonnement ne s'arrête pas. Certains des efforts qui sont prodigués pour faire partir les gens vers le trouble et vers leur massacre et vers leur mort, vers la perte de leur bas-monde et le delà. Hein? Certains, hein, dans leurs écrits, dans ce qu'ils envoient, ils ont fait que la voie de Daesh, c'est la seule voie pour arriver au paradis à l'agrément d'Allah. Ainsi, ils s'accaparent de l'esprit de cette jeunesse qui aime la religion d'Allah et qui aime. Hein? Et on les bombarde de quoi? De cassettes, de films dans lesquels les ennemis d'Allah ont massacré, que ce soit, et les horreurs qu'ils ont fait à Abu Gharib, etc. Hein? Et on leur fait un lavage de cerveau et après on les envoie. Mais qu'on réfléchisse, ce qui est arrivé à Abu Gharib, bien avant en Afghanistan et la perte de l'Afghanistan, et que l'Afghanistan maintenant soit sous la tutelle des tribus et qui le jugent par les coutumes. C'est quoi la cause? C'est quoi la cause que maintenant c'est Rawafid qui commande l'Irak? C'est quoi la cause? Ici l'orgueil, le Qaïda et leurs disciples d'avoir fait tomber de tours, mais plusieurs pays sont partis. Hein? Qui est la cause du fait de la perte de l'Afghanistan? Qui est la peur de l'Irak aussi. Et cela va de pair avec la parole du messager alayhi salatu salam qui dit cela tue les gens de l'islam et laisse les adorateurs de statues. Hein? Vous n'allez pas loin. Qu'on prenne la leçon de notre histoire contemporaine à l'islam. Hein? Réfléchis. Qui est à l'origine du massacre et des horreurs qu'il y a eu à Abu Gharib? Certes, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala les a fait. Mais qui a provoqué tout ça? Hein? Si ce n'est le Khawarij. Hein? Et qui ont fait que maintenant cet état d'Irak, il est entre qui? Entre les mains des Rawafid. Qui se fait massacrer là-bas? Ce sont les gens de la Sunna. Hein? Qui a fait que les gens soient excités contre ce mécréant d'Obchar? C'est dans l'esprit des Khawarij. Ils ont. Et qui se fait massacrer maintenant là-bas? Avec l'aide des Rawafid. C'est dans les gens de la Sunna. Oui, les mécréants, il est assez clair. Mais on n'a pas le pouvoir. On n'a pas la capacité pour l'enlever sans faire de dégâts, sans faire de mal. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? La voie du plus prédécesseur, c'est de patienter et d'endurer. Khalas. Hein? Au lieu de se retrouver maintenant avec quoi? Chacun de nous, regardez. Pour que tu comprennes que l'innovation, c'est la destruction de la communauté. Hein? Ces malheurs que nous vivons, c'est cette innovation d'El Khourouj. Hein? Dis-moi par Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu as vu combien? Comment on peut envoyer toute une famille entière comme ça? Tu as vu les onze de Nice? Tu as vu même des petits enfants avec. Et dernièrement, une jeune fille de Draguignan, etc. Tout là, on leur promet quoi? D'être des martyrs. Mhour l'Aïn. L'agrément d'Allah. Hein? Le jihad. Jihad, c'est le fait d'égorger les gens comme du mouton et de les filmer pour terroriser les autres. C'est ça le jihad. On va reconstituer la khilafa avec en égorgeant les gens comme du mouton. On va reconstituer la khilafa en montant avec un ceinture d'explosifs et montant au milieu des innocents dans un bus et on se fait exploser avec les femmes, les enfants, les vieillards, etc. Des gens qui t'ont fait confiance. Et après, ils se retrouvent en cadavre sur la route. C'est avec ça qu'on va arriver à l'Khilafa? Hein? C'est avec ça qu'on va avoir l'agrément d'Allah? Abadan. Ça, c'est la voix du messager, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la voix du noble compagnon d'Allah? Abadan, akhal islam. Hein? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à la période mikwaz, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à lui comme ça. Ainsi que nos nobles compagnons. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakat. Période de faiblesse. Et la traduction approximative dit ceci: n'as-tu pas vu ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala dit: retenez vos mains, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Est-ce que maintenant la communauté a le pouvoir, a la puissance pour combattre qui que ce soit? Regarde l'associationnisme. Regarde les temples qui s'adorent en dehors d'Allah à travers le monde musulman. Regarde les innovations. Et que ça, parce que l'arme principale déjà, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de parfaire sa religion. Celle-là n'existe pas. Ad rajoute à ça le matériel. Qu'est-ce que la communauté a comme matériel? Tout ce qui est périmé chez l'Occident, ils le revendent. Et Allah. Hein? Et donc c'est situation d'insensé que d'envoyer la communauté dans la gueule du loup ou de provoquer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette communauté. Hein? Regarde maintenant, il y a quelques années en arrière, notre devoir c'est de faire le hijra d'ici. Khlas, ça on sait. Mais regarde maintenant, il y a une dizaine d'années on a arrière, il y a une vingtaine d'années, comment les gens, au moins, ils avaient une certaine quiétude. Voilà, maintenant, il n'y a pas longtemps, on me dit que, carrément, le mécréant dans sa voiture, il fonce sur quelqu'un, volontairement pour l'écraser. Parce que c'est un musulman. Hein? Et regarde, tout le mal qui découle du fait, hein, de faire n'importe quoi et de transgresser les droits d'Allah et de sortir de la voie sur laquelle était le messager alayhi salam, ses nobles compagnons radhiyallahu anhum. Mais faut. Wa ma asabakum fa bima kasabat aydikum. Le verset il est clair. Et d'autres versets qui vont dans ce sens-là. Ce qui nous arrive, nous l'avons mérité de par nos œuvres, de par nos mauvaises œuvres, nos mauvaises façons de faire, nos transgressions à la loi d'Allah et à la voix du messager alayhi salam et à la voix du plus prédécesseur d'Allah alayhim. Bah, tous ces actes que tu vois, c'est ceux-là qui veulent reconstituer le khilafat, Daesh, Jabhat al-Nusra ou autre, bah, n'ont rien à voir avec la voix du messager alayhi salam. Hein? Ça, ce sont les actes de ceux qui n'ont aucun comportement, qui n'ont pas de raison. C'est les actes des Khawarij, des Tkfiriyin, des Qutbi, des Sorori, des adeptes du Fils, des adeptes de Jabhat al-Nusra, de Daesh. Appelle-les comme tu veux. C'est comme une pièce de monnaie qui a des visages, mais la valeur est identique. Une pièce de monnaie d'un euro, imprimée en France, et une autre imprimée en Belgique. Les photos sont différentes, mais la valeur, elle est quoi? Tu vas avoir plus si tu donnes un euro français. Eh ben, Daesh, Nusra, Kada, c'est la même chose. C'est des takfiri. C'est des khawarij. Hein? Et ces groupes sont nombreux dans la communauté. Et ceci va de pair avec la parole de celui qui n'a dit que la vérité, qui est le véridique, qui n'a dit que la vérité, qui est Mohammed alayhi salam. Hein? Mais le pire de ces groupes et de ces tendances, à l'unanimité des hommes de science, c'est le Khawarij. Les avertissements que nous avons contre le Khawarij sont plus nombreux dans la parole du prophète alayhi salam que celle contre le Rawafid. Pourtant, le Rawafid, c'est pire qu'eux. Mais parce que le Khawarij, il crée l'anarchie dans la communauté. Hein? Ils font du mal de l'intérieur. Ils font le mal de la communauté. Hein? C'est pour ça que les hommes de science, parce que, comme Al-Ajroul dit, l'anjas, l'arjas. Anjas, najas, nawa. L'impureté. Hein? Kilab ou nar, les chiens, du feu de l'enfer, a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. الحاصل أنه لا بد أن نتيقن أن البدعة شر كبير والبدع لا تنتهي والله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فذكر الصراط dans ce verset dans cette traduction approximative il dit ça c'est ma voie droite suivez là. Ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah. Et quand il a parlé de son chemin, Azza wa Jal, au singulier, les autres chemins au pluriel, dire c'est à l'infini. Les chemins de l'égarement ne s'arrêtent pas. Hein? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous en a averti. Celui qui vivra parmi vous vivra beaucoup de divergence. Cramponnez-vous à ma voix et la voix du Khalif bien guidé. Khlas. Il nous a montré le remède où il est. La voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui et mes nobles compagnons. Et qu'on se rappelle cette parole de notre plus prédécesseur d'Allah qui disait fais attention aux petites innovations parce qu'ils deviennent géantes. Et qu'on se rappelle l'histoire de ceux qui étaient dans la mosquée de Koufa en cercle. Il y a un homme au milieu d'eux qui leur dit « Dites Allah Akbar 100 fois. » Et il calcule avec les pierres. Et l'autre, dans un autre cercle, « Dites la ilaha illallah 100 fois. » Et ainsi de suite. Hein? Ils invoquent Allah. Mais avec une façon qui n'a pas été légiférée. Ben, la majorité de ces gens-là qui étaient dans ces cercles ont pris les armes, la majorité de ces gens-là ont pris les armes contre Ali et les compagnons lors de la bataille d'Yannharawan. C'est-à-dire cette innovation qui apparaît aux yeux de certains, ils sont, laisse-les tranquilles, ils invoquent Allah, même s'ils le font jamais atteindre, c'est pas grave, laisse-les. Regarde ce qu'il a fait. Ils ont pris les armes contre le khalif des croyants, le quatrième khalif, et contre les nobles compagnons. Hein? L'innovation, c'est la gangrène de cette communauté à l'islam. Rasoul Salah ne cessait de dire toute innovation est un égarement, un avertissement. Pourtant, la communauté qui était devant lui n'allait pas. Il n'a jamais, a'oudou billah, n'a jamais pensé à innover quoi que ce soit. Mais c'est pour nous, les autres qui vont arriver après, qui ne s'aventurent pas à faire quoi que ce soit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lequel n'étaient pas les enseignements de Mohammed alayhi salatu wa salam. فهذه الداعشية أو داعش ما هي إلا فرقة خارجية وحركة من حركة الخوارج المعاصرة. لا تبحث، لا تذهب بعيد. ها؟ Donc ce mot داعشي ou la داعش on n'a même pas le droit de l'appeler État islamique ni la خلافة comme il a dit Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Abadan. Hein? Ce n'est qu'un mouvement des Khawarij, un mouvement du Tikfir contemporain. Khlas. Et celui qui a fait revivre la pensée du Tikfir dans le monde contemporain, c'est ce qu'ils appellent dans le jargon des mouvementistes et des harakistes et des activistes, le Jama'atul Oum, le groupe mère, qui sont les Ikhwal Muflisoun. Comme il a dit Cheikh Moukbel. Et avant lui, Cheikh Hamid al-Faqih, il a dit Al-Khouan al-Muslimoun, les traîtres musulmans. C'est la mère nourricière. Cette jama'a fondée par Hassan al-Banna, l'Égyptien, fait partie de ses fondements quoi? La reconstitution de la Khilafa. L'un de ses grands fondements. Ils l'ont mis en avant hein, du monothéisme, de l'appel de la da'wa vers le monothéisme, de la da'wa vers le fait de faire le suivi, d'accomplir le suivi au messager alayhi salatu wa sallam. Ils passent avant la da'wa de la reconstitution de la khilafa chez le Khouan al-Muslimoun, passe avant la da'wa vers le monothéisme et la da'wa vers le fait de suivre le messager alayhi salatu wa sallam. Quand tu sais que le fondateur, lui, pour la fête d'Yel Mouloud, il va d'un mausolée à un autre, en chantant de la poésie dans laquelle il y a des énormités à l'islam. Hein? Quel bien tu peux attendre de ce genre de jama'a? Quel bien? Aucun bien. Pourtant, la khilafa, les nobles compagnons ont vu deux états naître devant eux, ils n'ont rien dit. L'état du Cham, et une wilaya aussi à Médine. Il y a eu aussi, pendant les siècles qui ont reçu les éloges d'Allah et de son messager, durant lequel ont vécu les grands imams, ont vécu la naissance de la khilafa abbaside en Orient et celle des Omiyades en Occident. Hein? Et sur ça, ce sont les imams, quelque chose qui est normal chez les imams de l'islam jusqu'à nos jours. Il y a depuis 1999 la reconstitution de la khilafa. Ouais. Jouer avec les sentiments de la communauté. Utiliser des grands termes et des nobles buts vers pour arriver à quoi? Pour faire de la communauté, tourner cette communauté en girouette. Et faire de la jeunesse de cette communauté ce qu'ils veulent. Hein? Il en est de même de Daesh maintenant. Hein? La khilafa, la khilafa. Hein? Il ne faut pas oublier qu'Abu Bakr al-Baghdadi, qui s'est proclamé calife dans une des mosquées de Bagdad, al-Qardawi, il y a deux semaines à peine, dans une vidéo qui est sur un journal électronique marocain qui s'appelle Hiba Press, il dit ceci: Abu Bakr al-Baghdadi fait partie des frères musulmans. Mais il a une personnalité de commandant. C'est pour ça, après qu'il est sorti de prison, il a rejoint l'organisation d'Al-Qaïda pour après faire son organisation de Daesh. Classe. C'est un témoin de l'intérieur. La photo et le son, directement lui. Hein? Il ne faut pas se leurrer. Donc la mère nourricière de tout ça est l'origine, la gangrène de la communauté actuellement, depuis plus d'un siècle maintenant, presque un siècle, c'est les frères musulmans. Hein? c'est les frères musulmans. Et le grand des mal, hein, il faut avoir la certitude là-dessus. Ce grand mal qui nous guette actuellement nous vient de ce groupe. Rahla, le takfir, hein, a été remis à jour par Jamaat l'Ikhwa al-Muflisoun. Hein? Depuis sa fondation, hein? Sayyid Qutb fait partie d'eux. Et c'est lui qui a injecté le venin du takfir dans cette jama'a. Hein? C'est lui qui a injecté le hakimiyya autour de laquelle tu le jugement est à Allah. Naam, on est d'accord avec toi, le jugement est à Allah. Mais selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah, là, pas selon la voie du Khawarij. Cette hakimiyya, il l'a déduite de la parole de l'Maudoudi parce qu'il est, il était influencé par les écrits de l'Maudoudi, Jama'a al-Islamiyya de Pakistan, qui utilisait lui, il utilisait l'imamiyya. Ou l'imama. Sayyid Qutb la change tout simplement en hakimiyya. Et Zil Abidin Mohamed Sourour va la propager. Et va la propager à travers le monde musulman, à travers sa revue qui s'appelle Sunna. En réalité, c'est l'innovation plutôt. Abdullah Azzam, hein, va se gaver avec. Derrière lui, Dawahir et Bin Laden vont lécher cet esprit. Et après, ils vont le distribuer en petites pilules à leurs disciples à travers le monde pour les empoisonner avec. Et on arrive à ça. Daesh et Jabhat al-Nusra faisaient partie de l'Al-Qaïda. Daesh, il n'y a pas longtemps qu'il sait qu'il a désavoué l'Al-Qaïda. Et Jamaat l'Ikhwa al-Muslimoun, il a rendu mécréant à les frères musulmans ainsi que Morsi. Et il a décrété que les frères musulmans, c'est un groupe laïque. Khlas. Nusra, Jabhat Nusra est resté avec son allégeance Al-Qaïda. Donc il ne faut pas se tromper. Qu'on est en face d'un groupe de Khawarij pur. Hein? Qu'on est en face d'une tendance Khariji. Et donc, notre mal, il est de l'intérieur, il est de cette innovation, qui est l'innovation de l'Khawarij. Hein? Daesh, après comme moyen pour arriver à la khilafa qu'il prétend, comme l'ont prétendu, hein, l'a prétendu sa mère, qui sont les frères musulmans, hein, il a pris comme moyen les armes et le fait de tuer. Et pour qu'il puisse arriver à son but, il faut bien enlever les obstacles. Il y a deux énormes obstacles qu'il faut anéantir au plus qu'il existe. Sinon, ça ne peut pas marcher. Mettre de côté les hommes de science, les calomnies en étant morgés, les traiter comme quoi c'est la mule du sultan ou ah, ce sont des mécréants, ils sont à la solde des Américains ou des Juifs, etc. C'est fait. Mais le deuxième obstacle, ce sont les gouverneurs des pays de l'islam. Il faut tous les rendre apostats. Comme ça, la jeunesse n'a plus confiance en ses hommes de science, ni non plus à ses gouverneurs. Et donc, l'esprit reste libre à qui? Qui va s'en accaparer? Daesh et ses prêcheurs qui vont injecter ce genre de pensée à cette jeunesse. Khlas. La situation, elle est aussi simple que ça. Et quand tu sais tout ce qui se fait et ce qui se dit contre les hommes de science depuis Ben Lurette et depuis la première crise du Golfe, la deuxième crise du Golfe et maintenant avec les Haddadi, etc., on prend. Hein? Beaucoup de jeunesse n'a plus de référence. Sauf ce classe, maintenant tu as accompli de 60 miséricordes. Sinon, leurs références, ce sont des têtes du takfir. Hein? Ils rendent mécréants tous ceux qui ne sont pas sur la même voie qu'eux, c'est des mécréants pour eux. Il ne faut pas se leurrer. Hein? Les jeunes, quand ils arrivent là-bas, qu'ils arrivent de pays musulmans, hein? On enlève à tout le monde les passeports. Classe. Comme ça, tu es prisonnier. Tu ne peux plus bouger. Et après, on commence avec toi les discussions. Et voir, est-ce que tu vois la mécréance des États islamiques ou là tu ne la vois pas? Et on t'amène à un truc. La mécréance de l'État saoudien. Celui-là, il faut que tu sois. Hein? Si tu ne le fais pas, il va y arriver quelque chose. L'élimination à l'islam. Et la mécréance, disons, de science. Et si tout ceci, tu ne l'as pas dans ton esprit, par n'importe quel moyen, le jeune il va être éliminé. Différents moyens pour qu'il le fasse éliminer. Parce qu'il ne correspond pas à l'idéologie et aux convictions du groupe. Donc, ils ne peuvent pas lui faire confiance. Et ils décrètent, même s'ils ne lui disent pas, sa mécréance. Donc, simple, dans un coin de rue, une balle perdue. Ou qu'on le jette dans un trou. Hein? Khalas. Ou qu'on lui fasse miroiter qu'il va mourir au martyr. Et dans ces cas-là, on va l'envoyer, ils vont faire d'une pierre deux coups. Tu es en face de gens qui sont assoiffés de sang. Comme l'étaient leurs prédécesseurs. Hein? Il n'y a pas plus loin. Le front du salut, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas éventré avec les fatwas d'Abu Qatada. Il n'a pas éventré les ventres des femmes pour jeter les petits qu'il y a dedans. Par peur qu'ils ne grandissent mécréants. Parce qu'ils sont nés d'un mécréant. Hein? Notre histoire, elle est là. Il ne faut pas l'oublier. Il faut retourner les pages de l'histoire et les relire. Et combien la soirée d'hier ressemble à celle d'aujourd'hui? Combien les actes que faisait Belhaj et son groupe et tous les groupes qui ont pris la mentale, combien ressemblent à ceux-là? Où est la différence? Hein? Où est la différence? Il faut être éveillé à l'islam. C'est Khawarij, Khlas, ils viennent avec, chacun vient avec son style, avec son langage, avec ses moyens, Khlas, mais il faut que ça reste dans ton esprit, c'est un groupe d'innovateurs, et c'est, hein? Et cet état maintenant, on appelle l'état de Daesh, sa déclaration s'est faite en 1426, il y a déjà 10 ans. Et celui qui a déclaré cet état, c'est Abu Mus'ab Zarqawi, qui faisait partie de l'Al-Qaïda. Et c'est l'élève d'Abu Mohammed al-Maqdisi, Issam al-Barqawi. Issam al-Barqawi, c'est le théoricien par excellence et c'est le troisième de la catégorie dans la théorie du takfir, après la famille de Qutb. Après Sayyid Qutb et Mohammed Qutb, le troisième qui vient, c'est lui. Il a le livre La voix d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et il a lu le livre Le Kawashif al-Jaliya dans la mécréance de l'État saoudien. Pourquoi l'État saoudien? Tous les takfiris, maghrébins, hindous, en Angleterre, en France, partout où ils sont, tous unanimes, tous la première des choses avec lesquelles ils commencent avec l'État saoudien. La mécréance de l'État saoudien, il doit aller saoud. Pourquoi? Le pays du monothéisme est le pays où se trouve le plus grand homme de science qui avertissent contre le Khawarij et contre les tendances déviantes. Voilà pourquoi. C'est aussi simple que ça. C'est un obstacle qui gêne. C'est un obstacle dans lequel il y a une voie de la vérité qui sort, malgré les lacunes qu'il y a qu'il peut y avoir dans cet état. Alors même ceux qui déclarent que c'est les hommes de science, ils savent qu'il y a des lacunes. Ils le disent. Il n'y a que le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est parfait. Hein? Mais cet état-là, il faut qu'il le fasse tomber, toutes ces tendances de Khawarij. Et qu'il fasse tomber les hommes de science qu'il y a dans ce pays. Pour que le terrain, il le reste libre. Hein? Et que dans notre esprit, il faut que ça reste. L'innovation, c'est notre gangrène qui nous tue. Le Barqawi Hada, Abu Mohammed al-Maqdisi, c'est l'élève de qui? C'est l'élève de Soror. Celui qui envoie le takfir à travers le monde musulman, à travers ses écrits de Londres. Il est au chaud, lui. Hein? Tranquille. Et vas-y, Inta. Son deuxième professeur, c'est Hassan Ayoub. Il a goûté la prison avec les frères musulmans en Égypte. Il a terminé sa vie, rahimahullah, au Koweït. Ah, de ce sont ces grands professeurs. Et de là, tu vois la chaîne, c'est quoi? La chaîne de la pensée de l'Barqawi, c'est quoi? C'est les frères musulmans, à l'islam. Mohamed Soror, il y a à peine 20 ans, ou à peu près 25 ans, qu'il a désavoué les frères musulmans qu'il est sorti, et que maintenant, il a sa tendance toute seule. Lui-même, il a déclaré qu'il a un groupe, une jama'a. Deux fois, il l'a déclaré à Cheikh Moukbil, quand il l'a visité au Yémen. Et c'est celle qu'appellent les hommes de science, la sororia. Et la sororia et la haroria, il n'y a que le S et le A et le H qui les séparent. La haroria, ce sont ceux qu'a combattu Ali radiallahu anhu arda parmi les khawarij. On les appelle haroria parce qu'ils se sont acculés dans un endroit qui s'appelle harora. Et sororia par appartenance à l'esprit et à l'idéologie de Zil Abidin Mohamed Soror. Khalas. Et entre eux deux, les points... Ils ont des points en commun, qui est le Khuruj al-Hakim, la mécréance des États islamiques et ainsi, et des gouverneurs des pays de l'islam. Khlas. Il n'y a que le A, le H et le S qui les séparent et le temps. Les autres ont vécu à l'époque de Ali radiallahu anhu arda, et cela, il a vécu à notre époque. Il vit avec nous maintenant. Peut-être 80 ans maintenant. Et donc, toute cette pensée-là, le Barqawi et tout ça, il découle de qui? La mère nourricière, qui sait? La mère d'origine, il ne faut pas l'oublier, Ali. Le Khoua al-Muslimoun. Sache que les avertissements qu'il y a eu contre les hommes, par les hommes de science à travers toutes ces années contre les frères musulmans. Pourquoi? On dort l'âne. Les témoignages de l'intérieur des frères musulmans, ce qu'ils disent. Parce que tu saches que la mère nourricière, يقول الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وهو من المحدثين من علماء السلفيين في رسالته شؤون التعليم والقضاء في الصفحة 48 حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. Il dit رحمه الله أحمد محمد شاكر qui est un محدث, un grand homme de science, dans son épître Les affaires de l'enseignement et de la justice, à la page 48, le mouvement de Hassan al-Banna et des frères musulmans ont renversé la da'wa islamique. Ils en ont fait une da'wa criminelle. Et cette da'wa, on sait qu'elle est subventionnée par les communistes et par les juifs, comme nous l'avons, comme nous en avons la certitude. Ainsi, il dit, rahimahullah ta'ala. Wa qala rahimahullah fi maqalin lahu bi'unwan al-imanu qaydu al-fatki katabahu fi jaridat al-asas fi al-yawm al-thani min al-shahr al-awwal min sanat 49 بعد أن قتل الإخوان النقراشي باشا الذي إنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج سماهم خوارج جماعة المسلمين سماهم خوارج القتل مستحل الدماء وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته فإنهم لا يعلمون ما يفعلون ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون والهدى هدى الله إيه رحمه الله تعالى dans un article dans le journal Assas en 1949 lors de l'assassinat du premier ministre de l'Égypte, Bacha Al-Maqrachi, contre la cellule spéciale, la cellule secrète armée des frères musulmans l'ont assassiné. Ahmed Shakir, il dit concernant ceci, rahimahullah, le péché et la honte, il est sur ses khawarij. Il les a appelés comment? Ce sont des adeptes de l'Ikhwan al-Muslim. Il les a appelés des khawarij. Ceux qui tuent les gens et qui rendent licite le sang des gens. Et le péché et le malheur et la honte est sur ceux qui les défendent et qui veulent que notre pays tombe dans l'anarchie dans laquelle est tombée l'Europe, où on accepte et on ferme les yeux sur les assassinats politiques, ou alors on y allège le châtiment contre ces assassinats politiques. Et je dis, il dit, rahimahullah, ceux-là ne savent pas ce qu'ils font. Et je ne veux pas les accuser comme quoi ils savent et qu'ils le font. Et pour que tu saches que l'organisation secrète existe chez eux, écoute de chez eux qui était et qui a fait l'allégeance et qui dit, qui écrit, comme beaucoup de Ikhwan ont écrit leur Moudakirat, leur journaux. يقول محمود عساف وكان أمينا لتنظيم الإخوان للمعلومات أي للمخابرات الإخوانية في كتابه مع الشهيد حسن البنا في الصفحة 54 بعد 100. محمود عساف qui était un des hommes de l'organisation des frères musulmans qui avait la spécialité quoi? Du service des renseignements généraux des frères musulmans. C'est un état dans l'état. Lui, il était l'amin. Celui qui était à la tête du service secret, du service des renseignements des frères musulmans. Parce qu'ils savent tout de leurs disciples. Rien ne leur échappe. Et quand ils veulent les liquider, ils lui sortent des trucs. Il l'appelle au bureau. Viens, fais attention, tu te tais. Regarde ce qu'il y a, regarde ce qu'il y a. Mais sinon, lui sort des photos aussi. C'est un état dans l'état. Et il dit dans son livre, avec le martyr Hassan al-Banna, pour eux aussi un martyr, à la page 154, il dit, في يوم من أيام سنة 44 وتسعمائة وألف دعيت أنا وعبد العزيز كامل لكي نؤدي بيعة النظام الخاص. Il dit, au long 1944, j'étais l'un des jours de cette année-là, j'étais convoqué moi et Abd al-Aziz al-Kamil pour faire l'allégeance à l'organisation secrète. L'organisation secrète qui est l'organisation armée des frères musulmans. Dahabna ila baytin fi harat al-saliba. Ils nous sont allés dans une maison qui se trouve dans un quartier qui s'appelle Saliba. Dakhanna ghurfatan mu'timatan yajlisu fiha shakhsun ghayr wadih al-ma'alim bayda anna sawtahu ma'ruf wa huwa sawt Salih al-Ashmawi. Et nous sommes rentrés dans une pièce qui est sombre, dans laquelle est assis un homme, ils ne voient que son ombre, couvert de quelque chose, d'un drapeau. Mais ils disent, on reconnaît sa voix. On savait que c'était la voix de Salih al-Ashmawi, qui est l'une des têtes aussi. « Wa amamahu mindadatun munkhafidatul arjul, wa huwa jalisun amamahu mutarabbi'u ala l'mindada mushafun wa musaddas. » Et devant lui, devant Salih al-Ashmawi, il y a une table basse, devant laquelle il y a le Coran d'un côté et un pistolet de l'autre côté. Alaykoum salam. Coran d'un côté et le pistolet de l'autre côté. Wa talaba min kullin minna an yada'a yadahu al-yumna 'ala al-mushaf wal-musaddas wa yu'addi al-bay'a bit-ta'a lin-nizam al-khass wal-'amal 'ala nusrat ad-da'wah al-islamiyyah. Il a demandé à chacun d'eux de mettre la main droite sur le pistolet et sur le Coran et de faire l'allégeance à l'organisation secrète des frères musulmans pour faire triompher la loi islamique. Hein? Ça veut penser à quoi ce genre de truc? يقول هذا كان هذا موقفا عجيبا يبعث على الرهبة وخرجنا سويا إلى ضوء الطريق ويكاد كل منا لا يكتم غيظه. قال عبد العزيز كامل: هذه تشبه الطقوس السرية التي تتسم بها الحركات الماسونية والبهائية. ها فهي هي ها. إذنك ceci, il continue son écrit, dit ceci, ça a été une situation étrange qui donnait la peur. Elle dit, nous sommes sortis tous les deux, on se parlait peu, et chacun de nous cachait sa colère, et tout d'un coup, Abdelaziz Kamil a dit, ce protocole que nous venons de faire ressemble au protocole pratiqué par les organisations secrètes de la franc-maçonnerie et des Baha'is. Ah, خلاص. Quand tu sais comment, ah, tu t'étonnes plus après. انظر الآن حتى ترى أن لا يجوز الكذب على الناس منهم وإليهم. Et regarde maintenant pour vous dire, il n'est pas permis de mentir sur quelqu'un. Donc nous allons sortir. Hein? Le témoignage de chez eux. Comme quoi, c'est des Qutbis, c'est des Khawarij, c'est des Kfiriyoun. Nasharat Jaridatul Watan, fil yom al-hadi wal-ishrin min shahr Shawwal, sanat 28 wa 400 alf, an al-amin al-am, li jama'at al-ikhwan al-muslimin, bi Misr, Mahmoud Izzat Qawle. Donc, au l'an 1428 de l'Hijr, le 20e jour du mois de Shawwal, de l'an 1428, il y a combien de temps? Ça fait 8 ans maintenant. Le journal Watan, je veux dire la nation, a sorti un article écrit par le secrétaire général des frères musulmans en Égypte à cette époque, qui était Mahmoud Izzat, où il a dit, « Fi am 2005, أثيرت قضية كتابة سيد قطب سواء من خلال بعض التصريحات لعدد من الإخوان أو في المقالات التي كان يكتبها عدد آخر بل وحتى في مذكرات شخصية لعدد من الإخوان فيها أن هنالك كلاما للأستاذ سيد يكفر في هذا الكلام المجتمع باعتباره مجتمعا جاهليا وأن هذا الكلام كان له تأثير على جماعات أخرى غير الإخوان أدت إلى انتهاجها منهج العنف وعندما ناقش مكتب الإرشاد هذه القضية قرر إحالتهم لقسم التربية حيث إنه القسم المهتم بفكر الجماعة وللإخوان الذين عاصروا سيد قطب خاصة الذين تعاملوا معه بشكل مباشر وبعد دراسة مستفيضة للموضوع وافق مكتب الإرشاد وأعلن المرشد العام محمد مهدي عاكف موقف الجماعة حيث قال إن كلام سيد قطب لم يخرج عن فكر الإخوان وشهد شاهد من أهلها. Et en l'an 2005, donc, a été propagé le sujet des livres de Sayyid Qutb. Que ce soit à partir des déclarations de certains frères musulmans, ou ce soit à partir des écrits qui apparaissent de temps en temps dans certains journaux, ou à partir de certains journaux, journal personnel des frères musulmans. Et il apparaît dans tout ça que le professeur Sayyid Qutb rendit mécréant les sociétés musulmanes. Et que pour lui, ce sont des sociétés de la période pré-islamique. Et il est arrivé que il a été rapporté au conseil que ces paroles ont eu un impact sur beaucoup de groupes qui ne sont même pas des frères musulmans et que ces groupes à partir de cette influence, de par les paroles de Sayyid Qutb, ses écrits, sont devenus des durs. Et quand le bureau de l'orientation des frères musulmans a discuté ce sujet, Il a dit, bon, le dossier, on le donne directement à qui? À la section qui s'occupe de la pensée des frères musulmans. Et aux frères qui ont vécu, qui étaient les contemporains de Sayyid Qutb, en particulier, qui ont eu affaire à lui directement. Et après une longue étude, ils disent, du sujet, le bureau de l'orientation a accepté, et le secrétaire général des frères musulmans, Mohamed Mahdi Akif, a déclaré, écoute bien, reste assis, fais attention de ne pas tomber, que les paroles de Sayyid Qutb ne sortent pas de la pensée des frères musulmans. Que les paroles de Sayyid Qutb ne sortent pas de la pensée des frères musulmans. Khalas, c'est eux qui témoignent. Il n'y a personne qui va venir, qui va dire, non, c'est pas vrai. C'est vos livres, ils sont là. Et ceux qui écrivent, et ceux qui parlent font partie de vous. Hein? Ça, cette confirmation, c'est quoi? C'est la confirmation du renouvellement de la pensée kharijite de notre époque. Khalas, c'est ça ce que ça veut dire. C'est le renouvellement, cette reconnaissance de la part du bureau des frères musulmans, c'est renouveler la pensée des khawarij à notre époque, à l'islam. Hein? Il lui donnait une validité de notre jour, il a repoussé encore. Alors on va voir leur tête, leur théoricien à l'autre. Al-Qaradawi. Yaqul, Oulawiyat al-Harakat al-Islamiyya, Safha 110. Fi hadhi al-marhala, dharat kutubu Sayyid Qutb. التي تمثل المرحلة الأخيرة من تكفيره الذي ينضح بتكفير المجتمع. هذا كلام القرضاوي في سيد قطب وإعلان الجهاد للهجوم على الناس كافة. ها القرضاوي دي dans les priorités du mouvement islamique à la page 110 il dit à cette étape est apparue là les livres de Sayyid Qutb qui représentent la dernière phase de sa pensée dans laquelle il remet crayon les sociétés musulmanes et qui déclare le combat contre tous les gens qui atteste un de leurs théoriciens, leur grand docteur, hein, qui juste au moment où il y a eu les manifestations en Égypte, il a couru pour faire le Jumu'ah sur place Tahrir et pour les encourager. Vrai ou faux? Nos classes, les témoignages sont de l'intérieur. Que Jama'at l'Ikhwal Muslimin égale Jama'at Tkfir. Hein? Et quand tu sais que le Qardawi lui-même, il dit qu'Abu Bakr al-Baghdadi Hada, le Khalifa, était un Ikhwan. Tu as tout compris maintenant. L'origine du mal ne vient de les frères musulmans duquel ont découlé. Ah, Al-Qaïda, duquel a décollé Daesh, Jabhat al-Nusra, la grand-mère étant les frères musulmans, et après t'as la mère et t'as les petites filles, etc., qui sont nées après. Donc le résultat, on arrive à quoi? Que Daesh ainsi que Jabhat al-Nusra, ce sont les filles de Al-Qaïda, l'organisation de Bladhani de Dawahri, et Issam al-Barqawi, a envoyé son délégué, Abu Mohammed al-Joulani, en Syrie, au moment de la déclaration de l'État islamique en 1426, il y a plus de 10 ans maintenant. Daesh, comme j'ai dit auparavant, s'est séparé de Al-Qaïda et d'Imam Dawahri. Et il a désavoué les frères musulmans, il les a rendus mécréants. Et comme quoi, c'est un groupe de laïcs. Ah, il a rendu mécréant Morsi aussi. Jabhat al-Nusra, elle est restée sur son allégeance avec Al-Qaïda. Fahoula et Akhal Islam, kullhum tkfiriyoun. Kullhum khawarij. Bima'na al-Kalima. Donc, ceux-là, tous, frère Allah, subhanahu wa ta'ala, ne te trompe pas. Ce sont tous des khawarij. Ce sont tous des tkfiriyoun. Aoula et Marikoun, khawarij. Donc ce sont, il ne faut pas te tromper. Regarde leurs œuvres. Comment ils aiment le sang. Comment ils massacrent les gens. Comment les éliminations à tous ceux qui sont en divergence avec eux? Et les textes qui nous avertissaient contre eux, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam avertit contre les tendances. Mais la tendance qui a le plus reçu au niveau de l'avertissement du messager alayhi salatu wasalam, c'est la tendance d'Al Khawarij. Plus de 100 hadiths à l'islam. Une quarantaine se trouvent entre Sahih Muslim et Sahih Al-Bukhari. T'as qu'à ouvrir les livres d'Ifitan et tu verras. Hein? Les chiens du feu de l'enfer, les chiens du jour de l'enfer, les pires tués sur le ciel de la terre, les pires créatures, c'est-à-dire Charul Khalq wal Khaliqa, ils sont pires que la descendance d'Adam et pires parmi les animaux. Parce que le Khalq, c'est la descendance d'Adam. Le Khaliqa, c'est les bêtes. Du coup, ils sont pires. Hein? Un grand bien est pour celui qui les aura combattus, ou celui qui les a tués, okay? Ou celui qui l'ont tué. Il a un grand bien. Mais attention, tu discutes avec lui, il a l'esprit de Khawarij, tu prends ton arme et tu viens le poignarder. Abadan, c'est pas comme ça. Hein? On n'est pas dans l'anarchie ici. Hein? Ceci doit se faire derrière l'étendard d'un gouverneur. Hein? Il n'y a pas d'anarchie dans l'islam. Là, il a l'esprit de Khawarij, classe, je le tue. Abadan, fais attention à toi. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a fait de belles descriptions. Ils lisent le Coran, ils ne dépassent pas leur gorge. Vous allez négliger votre prière devant leur prière. À qui ils parlaient, alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Au noble compagnon. Vous allez négliger votre prière par rapport aux prières de ceux-là. Et pourtant, il a dit, ils vont sortir de l'islam comme sort la flèche du gibier. Hein? Et les hommes de science sont en divergence sur leurs mécréances. Hein? Abdullah ibn Abbas et Ali radiallahu anhu arda ne voient pas leurs mécréances. Certains, hein, autres pieux prédécesseurs voient leurs mécréances. Et parmi les hommes de science contemporains qui voient la mécréance des Khawarij, Cheikh ibn Baz, rahimahullah. Hein? Et Abdullah ibn Omar nous a dit d'eux que ce sont les pires des créatures. Il a dit lui, ainsi qu'Abdullah ibn Mas'ud, en parlant de leurs efforts dans l'adoration, etc., ils disent, ils ne font pas plus d'efforts que les juifs et les chrétiens, et ils sont dans l'égarement. Hein? Ça, il te parle du premier Khawarij qui avait de l'adoration. Nos contemporains Walou, nos contemporains Ari, ce que nous avons entendu de ceux qui étaient à l'intérieur, Allahul Musta'an, des jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert le cœur pour venir vers la voie du plus prédisseur, hein, en Belgique, Ari, a'oudou billah, passer des nuits dans des appartements, PlayStation, leur. Avant quelques minutes avant leur dial, enfin, tout le monde tombe. Le jeune là dont je parle, qui a fait sa hijra maintenant au Maroc, là il dit, il ne connaissait pas ce que c'est que Sahih al-Bukhari ni de Riyad Salihin. Il a connu ces deux noms quand il a connu, hein, quand notre frère Mehdi Abou Abdelrahman lui a fait dawa. Il a commencé, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à connaître ce que c'est que les livres d'Yel Sunna, ce que c'est que Riyad Salihin, ce que c'est que le Bukhari, ce que c'est. Il a dit, il ne savait même rien. Hein? Et je le connais, il m'a parlé de ces trucs. A'oudou billah. Hein? Les grands, ils passaient les nuits sur les X. Leurs pieux, leurs aïeux, eux, ils rendaient mécréants avec les péchés capitaux. Hadou, ils baignent dans les péchés capitaux. Quel bien tu peux avoir derrière cela? Et la tête, leur tête. Certaines années, ils se baladaient avec la dernière crime Mercedes l'été, décapotable, avec Miss Belgique. Ah, hein? D'ailleurs, ils sonnent. Ah, hein? Ne fais pas avoir à l'islam. Les anciens, ils étaient sur la sunna en apparence, etc. Les contemporains, ils se rasent la barbe. Le djinn, il traîne par terre. Il dit ça, selon ceux qui étaient à l'intérieur qui racontent, il dit ça. C'est le moyen, c'est pour avoir notre sécurité. Au moment de faire quelque chose, il n'y a personne qui ne soupçonne. Hein? Classe. La barbe, il l'a carrément. Chut. Hein? Carrément, il part dans le lavabo. Le pantalon, hein? Il arrive à prier avec lui, mais je sais pas. Il a passé toutes les ruelles dans les huppes de Bruxelles. Il a essuyé tous les chiens, toutes les runes des chiens. Et après, il rentre dans la mosquée avec. Hein? Donc, tu vois la grande différence entre les anciens et les contemporains. Tous, ils sont des longs égarements. Mais... Et tous les innovateurs à l'islam, peu importe l'apparence de bien qu'ils se donnent, les actes d'adoration qu'ils font, alors ils ne serviront à rien du moment qu'ils ne se débarrassent pas, qu'ils ne disent pas, qu'ils ne se débarrassent pas de leur innovation. Qu'ils soient Ikhwan, Soror, Qutbit, Bleri, Yassini, vas-y, la liste est longue. Parce que la bid'a te fait sortir du suivi. Comment tu veux que les œuvres y soient acceptées? S'il n'y a pas les deux conditions, la sincérité pour Allah et le suivi. Peut-être que certains parmi eux sont dans la sincérité, mais ils sont du suivi. Qui sait, hein? Mais le suivi, l'apparence, le suivi du messager, alayhi salatu wassalam, n'est pas. Comment faire dans ces cas-là, hein? Et nos hommes de science nous les ont décrits, nos contemporains. شوف قول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قول الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر et ça c'est leur fondement sur lequel ils sont unanimes. Regarde cette description qu'on fait الشيخ الفوزان حفظه الله il dit الخوارج ce sont ceux qui désobéissent, qui se révoltent contre le gouverneur, et celle-là c'est le fondement principal sur eux tous. Hein? Fais pas voir. Et certains viennent. Mais le Khawarij, ils rentrent pas. Les contemporains, là, ceux à qui j'ai parlé maintenant, ils rentrent pas mes crayons avec les péchés capitaux. Sache à l'islam que dans les tendances qui ont existé, l'Azariqa, Shubaiba, hein, l'Haruriya, et j'en passe, et l'Wahbiya, Rostomiya, etc., ne rendez pas tous rendez mes crayons avec les péchés capitaux. Certains rendent mes crayons avec certains péchés, d'autres ne rendent même pas mes crayons avec certains péchés. Hein? Mais leur point principal, ce qui les unit tous, c'est sortir contre le gouverneur, se rebeller contre le gouverneur. Ça, c'est le point principal. Hein? Et ça fait de quelqu'un qui voit la rébellion contre le gouverneur, ben ça fait de lui que c'est un khariji, c'est un tkfiri. Khlas. فهؤلاء ما يخرجون بالكلام يتكلمون عن الحكام في المجالس الحاكم فيه كذا وفعل كذا أو يخرجون بالمظاهرات أو بالسلاح بس cela soit ils sortent avec la parole avec en parlant sur les gouverneurs dans les conférences dans les assises dans là où ils sont invités au milieu des gens et ainsi de suite. Hein? Soit ils sortent en manifestation, en sitting, soit ils prennent les armes contre lui. ولذلك قال الفقيه فقيه زماننا وعلامته الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه وكل خروج بفعل كان يسبقه كلام. Le jurisconsulte par excellence de notre époque, l'érudit Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit chaque rébellion, avant que la rébellion ne se fasse, que les gens ne sortent et prennent les armes et se révoltent, il est devancé par des paroles. Fait le kalam yabda akh al-islam, les paroles commencent en premier, ils commencent à exciter les gens contre leur gouverneur. Hein? Et après vient le khourouj. Après, une fois que les gens sont bien chauffés, hein? Et combien la masse musulmane, hein, aime bien ceux qui les chauffent. Well, certaines années, même ici en Europe, les cassettes de quiche qui étaient à gogo dans les rues et devant les mosquées. Et dans ces cassettes, il y a le fait, hein, le dénigrement des gouverneurs des pays de l'islam. Il passe d'un gouverneur dans une Jumu'ah, il peut traverser tous les gouverneurs des pays de l'islam, d'un autre. Hein? Il dit d'un une main qui glorifie, l'autre qui égorge. Donc ça veut dire qu'il le traite de tyran. Hein? Et il dit maintenant, nous allons faire une balade dans le royaume des animaux, royaume de Fahd, pour passer à celui de l'Assad, et ainsi de suite. Quand les gens ils entendent ce genre de cas, qu'est-ce qu'ils ont contre leur gouverneur après? Hein? La haine. La haine, à l'islam. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait, Salman, dans ses discours? Le temps des plaintes aux responsables et aux autorités, c'est fini. Hein, c'est le temps des plaintes. Il finit. Qu'est-ce qui reste? Reste le temps de prendre les armes. C'est tout. Voilà ce que ça veut dire. Hein? Belhaj, quand il a... Belhaj, il est arrivé. Il n'y a pas de monde, rien à certaines époques. Pendant la fitna, et sa bande vont kidnapper un prêcheur ou un khatib qui va aller faire le jumu'ah. C'est lui qui vient monter pour exciter les gens. Et choisir les grandes mosquées. Hein? La parole avant qu'il y ait les massacres, avant qu'il y ait tout, ces jeunes qui se trouvent maintenant, qui sont partis de différentes régions de France, hein, ils sont partis comment? Ouais, ils sont partis juste comme ça. On leur a fait tout un lavage des cerveaux. On les a pris, ils leur ont parlé, ils leur ont passé des cassettes vidéo, Hein? Après, ils sont devenus une petite bombe à retardement. Khalas. Juste, il appuie dessus, il éclate. C'est ce qui se passe. Et ça, c'est l'une des catégories la plus mauvaise des khawarij qui sont le qa'ada. Ils appellent qa'ada, ça vient du verbe qa'ada, assis. Moi, ils sont assis, ils ne sortent pas. Mais ils sortent avec la langue. Ils préparent ceux qui sortent. Et c'est les pires. Hein? C'est les pires, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'eau. Les gens ne vont pas sortir. Sans Mohamed Hassan et les éloges qu'il a fait aux manifestants, les gens vont s'exciter. Sans le Qardaoui sur la scène de Tahrir, les gens vont s'exciter. Sans la sortie de l'autre qui joue au Walman Show à lui tout seul, comment on s'appelle là, la vedette rasée de très très près là. Khalid. Hey, t'as vu le cinéma? La comédie qu'il fait sur la place d'El Tahrir, la place de Rab'a, comment il fait? Hein? Les insensés, les ignorants, ils suivent ces prêcheurs du mal. Hein? Sont tous ces gens-là, tu crois que ça va s'allumer? Ah ben, hein? Il dit le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, هم الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر ويشقون عصا الطاعة. Cheikh Al-Fawzan continue de dire, c'est eux qui sortent. N'obéissent pas au gouverneur, ils se rebellent contre lui, et ils divisent la communauté, ils divisent le jama'a. Ils ne voient pas le groupe. Hein? Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné quoi? Celui qui se sépare, qui se marginalise par rapport à un groupe gouverné par un gouvernant musulman, hein? Celui-là, s'il meurt dans cette situation, ben il meurt la même mort que la mort des gens de la période pré-islamique. Parce que les gens de la période pré-islamique n'obéissaient à aucun gouverneur. Vous ne voyez pas d'obéissance à qui que ce soit. Hein? Et ceux-là désobéissent à leur gouverneur, hein? Dispersent la communauté, la divisent, la morcellent. Et ça, c'est... Toutes les innovations sont comme ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il nous a laissé sur une voie claire. Blanche. La nuit et le jour sont identiques. Qu'est-ce qui a fait que cette clarté ou cette blancheur de cette feuille va disparaître? Le noir qu'on a mis dessus. C'est-à-dire la voie, il était claire. Après, il y a eu les tendances au nombre de 73. 73, ce n'est pas un chiffre qui est voulu comme ça. C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que dans cette communauté, il y aura beaucoup de divisions par rapport aux autres communautés. C'est-à-dire des fois, dans les paroles du prophète, le chiffre, il est voulu en tant que nombre. Mais des fois, il n'est pas voulu qu'en tant qu'un nombre. Comme dans le cas des sectes. Hein? Il y a plus des sectes. Parce que de chaque secte, tu as une multitude de sectes. À tel point que cette voie qui était claire, blanche, il n'y a plus de place. La tache blanche au milieu, il faut que tu la cherches à la loupe. Hein? Cheikh الشيخ اللحيدان يقول عن هؤلاء: هم الذين يخرجون على الحاكم ويكفرون المسلمين، وكل من قال بآرائهم فهو مثلهم، وكل من قال بآرائهم فهو مثلهم. الشيخ اللحيدان يجي دو سي خوارج داعش تي بو خلاص ميم با لا بين دو لو ريبيتي سونو ها. Il dit, les Khawarij sont ceux qui se rebellent contre le gouverneur, ici le gouverneur musulman, et qui rendent mécréants les musulmans. Et tout un chacun qui dit les mêmes opinions qu'ils ont, ben il est comme eux. C'est un Khariji comme eux. Yaqul ibn Hazm rahimahullah fi al-Milal, yalhaqu bil Khawarij man sharakahum fi ara'ihim fi kulli zaman. Ibn Hazm, dans son livre où il traite du sujet des sectes, il dit, hein, il est dans le clan des Khawarij, celui qui s'associe à leurs opinions. Khlas, en tout temps. Il dit le Cheikh Al-Fawzan, bel hatta man dafa'a 'an al-Khawarij fa innahu mithluhum. Cheikh Al-Fawzan, il dit, celui qui défend les Khawarij, il est comme eux. Donc fais attention, regarde, tu vois, des fois certains, ils te disent, hein, le lion de l'islam contemporain, Bladen, battu comme lui. Hein? Les hommes de la communauté maintenant, si Daesh, ils vont faire khilaf, bah tu es comme eux. Hein? Khlas. Embellir leurs œuvres, embellir leurs actes, leur faire des éloges, tu es comme eux. Tu es comme eux, Akhal Islam. Dakar al-Allam al-Muallimi fi fawaid al-Majami' an al-Muhadditin qad yutliquun ala al-Khawarij. كل من خرج على السلطان وإن كان لا يرى برأي الخوارج، لا يرى باعتقادهم في تكفير المسلمين ولا غيرها، فكل أمر أو أصل من أصول الخوارج قد لا يرونه، لكن ما دام أنهم خرجوا على الحاكم فعند المحدثين فإنهم يطلق عليهم الخوارج. إيه العلامة المعلم رحمه الله دو فوائد المجامع اللي كل محدث دو لو تيم تيرم دو خارجي ا توت ان شاكان كي سيغيفيل كونتر لو غوفرنور ميم سي لا با لي زوتر اوبينيون دي خوارج اي لي زوتر كونفيكسيون اي لي زوتر فوندمون دي خوارج ها ايلي جوست داكور افيك او سور سو بوين خلاص سي ان خارجي ها شي لي محدثون des moments qu'il a ce fondement, khlas, c'est un khariji. Et le point qui les unit tous, sur lequel ils sont unanimes, toutes les tendances d'Al Khawarij, les anciens et les contemporains, c'est le fait de se rebeller contre le gouverneur et de prendre les armes contre lui. Ils sont tous d'accord. Malgré que certaines tendances ne rendent pas mécréants avec les péchés capitaux, ou avec, ils ne rendent qu'avec certains péchés capitaux. Mais leur point d'union qui les unit tous sans exception, c'est la rébellion contre le gouverneur. وجاءت صفات كثيرة لهم فهم حدثاء الأسنان. انهم صغار السن. انظر الى اتباع داعش الان. Et parmi leurs caractéristiques qui sont dans les livres de la Sunna, c'est qu'ils sont jeunes. Hein? Et qu'ils sont insensés. Soufaha, l'ahlam. Et parmi leurs plus grandes caractéristiques, c'est qu'ils sont très jeunes. C'est pour ça que tu les trouves, ils s'unissent, ils apprennent chez qui? Toujours c'est un jeune cheikh, très jeune. Hein? Que ce soit les takfiris d'Arabie, ils vont chez Nasr al-Alwan. Chez, et dans différents pays, chez le Barqawi, chez Abu Qatada, etc. Ils ne vont pas chez les grands. Ils vont que chez les petits. Parce que c'est l'une de leurs caractéristiques. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit, Hudata ou l'Asnan. C'est des jeunes, insensés. Ils ne mettent pas les choses à leur place. Hein? C'est des insensés. Et ils ne reviennent pas vers les grands hommes de science. Ils reviennent toujours vers leur référence, c'est Abu Flan. Quand tu cherches Abu Flan, il n'a pas dépassé la trentaine. Et Abu Flan n'est pas resté trop longtemps c'est les hommes de science. Et il a pris l'indépendance. Hein? Et parmi leurs caractéristiques, ils lisent le Coran. Ce sont des bons lecteurs du Coran. Mais ils ne le comprennent pas, ils ne dépassent pas leur gorge à l'islam. Ils lisent la science, ils ne la comprennent pas. Contrairement à la voie sur laquelle ils sont les demandeurs de science. Hein? Les Khawarij, ils reviennent à leur raison. Les Khawarij ne reviennent pas vers les hommes de science. Les Khawarij prennent l'indépendance dans la compréhension des textes. Et les anciens, comme c'est passé, ils avaient de l'adoration, à tel point que celui qui s'est levé, le premier, le fondateur de la secte, Dol Khouaïsera, il s'est levé devant le prophète, il lui a dit, sois juste, ya Mohammed, tu n'es pas juste. Et Rasoul Salah lui a dit, malheur à toi, si je ne suis pas juste, qui va l'être? Sa description, s'il avait son vêtement en bas, mimolé, il avait une grosse barbe, il avait toute la sunna apparente, il avait une grosse tache noire sur le front. Et ses yeux étaient bien enfoncés dans, hein, dans sa tête. Hein? Et donc les anciens, ils avaient de l'adoration. Hein? D'où la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui est passée avec nous. Al-Ajurri, il dit d'eux, malgré qu'ils aient de l'adoration, ce n'est pas accepté d'eux. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ce n'est pas accepté. Un des nobles compagnons, radiyallahu anhu arda, un jour il passe à côté du campement de Al-Khawarij à l'époque de la bataille de Nahrawan. Et il les entend prier, certains lire le Coran durant la nuit, d'autres prier, la prière nocturne. Et il y a quelque chose qui a failli atteindre son cœur. Hein? Parce qu'il lisait. Ils étaient lents dans les genuflexions, lents dans la lecture, etc. Mais comme il avait la certitude sur la mauvaise voie sur laquelle il était, il ne s'est fait pas avoir par leur adoration. D'où ne te fais pas avoir par les belles paroles d'un khariji, par le fait qu'il montre le bien, par etc. Ne te fais pas avoir. Du moment que ses convictions sont des convictions de khawarij ou d'une autre tendance, ne dois pas lui faire confiance, ni te faire avoir par lui. Tu dois t'en éloigner. Hein? Fait partie de leur caractéristique s'ils disent de la meilleure des paroles des créatures. La parole ils disent la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la parole du messager, alayhi salatu wassalam. La meilleure des paroles des créatures, c'est la parole de qui? C'est la parole du messager, alayhi salatu wassalam. Il y a mieux que ça? Après la parole d'Allah, il n'y a pas mieux. Et ils utilisent Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wasallam a dit. Mais quand ils arrivent à la compréhension, c'est khlas. C'est là où il y a la kata, c'est là où il y a leur perte. L'imam Ahmed, il dit d'eux, je ne connais pas pire que le khawarij. Pire que le khawarij, l'imam Ahmed, il dit, je ne le connais pas. Il dit, hein, certaines de leurs caractéristiques, c'est qu'ils tuent les gens de l'islam et laissent les mécréants. Ils ont assassiné Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda. Ils l'ont calomnié, ils l'ont assassiné, ils l'ont traité. Hein? Pourtant, l'homme, c'est le troisième calife de la communauté. Il a eu l'annonce du prophète, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a annoncé le paradis. Ils ont pris les armes contre Ali, radiyallahu anhu wa arda. Dis-toi bien. Si ils n'étaient pas contents, ils n'ont pas agréé ni la khilafa de Uthman, ni la khilafa de Ali, quel khalif ils vont accepter après? Aucun khalif, aucun gouverneur s'ils ne portent pas les mêmes idées qu'eux. Hein? Alors, il faut revenir à l'évidence. Ils ont éventré le ventre d'une femme, la femme de... Ah, du fils d'un compagnon, Abdullah ibn al-Arat, ils ont éventré, quand ils l'ont trouvé sur le chemin, en train de s'abriter à côté d'un fleuve, du soleil, ils l'ont tué, ils ont tué sa femme, ils ont éventré son ventre, ils ont éclaté le fœtus. D'où l'origine des fatwas d'Abu Qatada qui a fait, hein, au groupe armé d'Algérie. D'où ça vient? de l'acte de barbarie qu'avaient fait leurs anciens. Hein? Et c'est l'orgueil, nous avons fait subir à l'Amérique, nous avons fait tomber. Et après quoi? Après le massacre qu'il y a eu en Irak, le massacre qu'ont subi les musulmans de par les Américains et leurs alliés, etc., en Irak, en Afghanistan, ils ont tué qui? Ils ont tué les musulmans. Hein? D'où la véracité de la parole du messager, alayhi salatu wassalam, il tue les gens de l'islam et il laisse les gens de là qui adorent les... qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a l'une de leurs plus grandes caractéristiques, c'est que quand quelqu'un regarde bien la biographie des Khawarij, c'est qu'il tue que les gens de la Sunna. Il s'acharne sur les gens de la Sunna, sur les gens qui sont unis sous un gouverneur. Quant aux juifs, aux chrétiens, aux zoroastriens et aux gens de l'égarement, ils peuvent avoir des alliances avec eux, comme il s'est passé avec Abdullah ibn Saba et Khawarij. Hein? Alliance avec eux contre qui? Contre Uthman ibn Affan, radiallahu anhu arda. Ils détestent les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna et qui sont unis sous le pouvoir d'un gouverneur musulman. Et leur sang pour eux, il est licite. Ils regardent dans les annales de l'histoire, tu as des choses qui font pleurer à l'islam. Après la bataille de Nahrawan, ils passent. Et à un moment donné, certains passent dans un endroit. Et un, ils tuent le port d'un dhimmi. C'est-à-dire un parmi les gens du livre qui vit sous la protection du musulman. Ils vont payer le prix du port. Et quand ils se trouvent, certains se trouvent au pèlerinage ou faire une omra, il va se poser des questions. Un mufti lui dit, c'est quoi le hukm? Le jugement du sang d'un moustique sur le ihram. Hein? Ils vont payer le prix d'un port à ce dhimmi. Mais par contre, ils ont massacré les gens de la Sunna al-Basra à tel point que l'Euphrate est devenu rouge de par le sang des musulmans morts. On est dans une catégorie d'humains. Hein? Qui a atteint un degré de soif du sang qui est énorme. T'étonnes pas que tu vois ce que font les Daesh. Hein? Et à jouer avec les cadavres, à jouer avec la tête des morts, etc. Ah, leurs aïeux. Hein? Et on arrête là, Inch'Allah, ici. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Barakallahu fikoum, ahsallahu alaykoum, jazakallahu khairan. Donc après l'adhan, Inch'Allah, on prendra tout de suite les